Chapitre 30. Retour de Jacques. Quelques jours après son retour à Paris, Geneviève se trouva plus calme qu'elle ne l'avait été depuis sa maladie. Un matin, Mademoiselle Primrose entra chez elle de bonne heure. Elle la trouva levée et disposée à reprendre son ancienne habitude d'aller tous les jours à la messe. Mais Mademoiselle Primrose s'y opposa, la trouvant encore trop faible. Geneviève obéit avec sa docilité accoutumée. Elle fit sa toilette et passa au salon. Elle s'était mise à ranger avec sa tante les livres, papiers, musique, tout ce qui était nécessaire pour reprendre leurs occupations accoutumées. Un peu avant le déjeuner, Geneviève était seule. Elle entendit frapper à la porte. « Entrez, dit-elle. » La porte s'ouvrit et elle vit entrer un charmant jeune homme avec de jolies moustaches et une barbiche au menton. Elle le reconnut sur le champ et s'élança vers lui en criant. « Jacques, Jacques, c'est toi !» Oubliant dans sa joie son âge et celui de Jacques, elle se jeta à son cou en l'embrassant tendrement. Geneviève. « Jacques, cher Jacques, que je suis heureuse de te revoir !» Jacques. « Et moi donc, ma bonne, ma chère Geneviève, voici près d'un an que je ne t'ai vue. J'ai fait, comme tu sais, un long et intéressant voyage en Orient, et m'en voici revenu depuis 2 mois que j'ai passé chez mes parents à la campagne. Tu étais absente. » « Mais comme tu es maigre et pâle, ma pauvre Geneviève, es-tu malade ?» Geneviève. « Je l'ai été, Jacques. J'ai manqué mourir. » Jacques. « Mourir, oh mon Dieu, et moi qui n'en ai rien su. Que t'est-il donc arrivé ?» Geneviève voulut répondre, mais les larmes lui coupèrent la parole. Elle dit en sanglotant. « J'ai été bien malheureuse, Jacques, si tu savais. » Elle ne put continuer, les sanglots l'étouffaient. Jacques était désolé et cherchait à la consoler en lui prodiguant les plus affectueux témoignages de son amitié. Jacques. « Ma Geneviève, mon amie, si tu savais combien je suis désolé de te voir ainsi, c'est donc bien affreux pour que le souvenir seul te mette dans un pareil état. » Geneviève. « Affreux, horrible. Appelle ma cousine Primrose, elle te dira ce que je n'ai pas encore la force de te raconter. » Jacques. Très ému du chagrin de Geneviève, courut frapper à la porte de Mademoiselle Primrose qui répondit « Entrez !» et qui, connaissant Jacques, se jeta à son cou comme Geneviève et l'embrassa à plusieurs reprises. Sans lui donner le temps de parler, Jacques la supplia d'entrer au salon pour calmer Geneviève, qui ne cessait de pleurer. Mademoiselle Primrose. « Pauvre petite, c'est qu'elle est encore bien faible et mal remise de la terrible secousse que lui ont donné son abominable oncle et ce scélérat de Georges. » Jacques. « Encore ce Georges, toujours Georges dans les chagrins de ma pauvre Geneviève. » Mademoiselle Primrose. « Mais c'est bien la dernière fois, par exemple, car nous ne remettrons jamais les pieds chez ces gens-là, et jamais nous ne reverrons ce monstre de Georges. » Jacques. « Mais qu'a-t-il fait? De grâce, chère mademoiselle, ne me laissez pas en suspens. Et comment mon oncle, qui est bon homme, a-t-il pu contribuer au chagrin de Geneviève ? » Mademoiselle Primrose. « Bon homme ! Un sot, un imbécile, un animal, dont Georges ferait un meurtrier au besoin. » Jacques ne put s'empêcher de sourire à cette explosion de colère de Mademoiselle Primrose. Mademoiselle Primrose. « Écoute, Jacques, je ne veux pas te raconter cette scène horrible devant elle. Je lui ferai un mal affreux en lui rappelant une abomination dont elle a failli mourir. Tu vas déjeuner avec nous. Après déjeuner, Geneviève se reposera. Tu viendras dans ma chambre et tu sauras tout. » Jacques n'osa pas insister, malgré sa vive inquiétude, car il savait Georges capable de tout. Pour ne pas déranger Geneviève, Mademoiselle Primrose voulut qu'on déjeunât dans le salon. Lorsque Ram entra et qu'il vit Jacques, il courut à lui, au risque de tout briser. Et posant rudement son plateau par terre, il prit les mains de Jacques, les serra et les baisa, sans que Jacques pût l'en empêcher. Ram. Moussu Jacques, bon Moussu Jacques. Ram content voir Moussu Jacques. Jeune maîtresse heureuse voir Moussu Jacques. Jeune maîtresse aimée Moussu Jacques. Elle plus triste, plus pleurée. Jacques. Merci, mon bon Ram, de ce que vous me dites d'affectueux. Moi aussi je suis heureux de vous retrouver avec ma chère Geneviève. Ram. Oui, moi c'est bien. Pas comme coquin, scélérat Moussu. Moi pas dire non, petite maîtresse pas vouloir. Mais Moussu Jacques savoir qui scélérat coquin. » Jacques sourit, Mademoiselle Primrose éclata de rire, Geneviève elle-même sourit. Mademoiselle Primrose. « Voyons, mon cher, Mettez-nous le couvert et servez-nous un bon déjeuner. Nous avons tous faim, car nous sommes tous heureux. » Geneviève soupira, Jacques la regarda tristement et laissa aussi échapper un soupir. Mademoiselle Primrose. « Eh bien, qu'est-ce que c'est? Est-ce pour soupirer que nous sommes réunis ici, hors de cet horrible château de plaisance? Il porte joliment son nom. C'est des plaisances qu'on aurait dû le nommer. Et les habitants, ils sont gentils. Je les ferais fourrer en prison si j'étais gendarme ou préfet. » Rame gravement. « Mademoiselle Primrose, vous, pas raison. Domestique bon, Julien bon, Pierre bon, cocher bon, cuisinière très bon. Elle donnait bonne chose à Rame. Fanchette, la fille, très bon. Toujours rire et donner sucre et café à Rame. » Mademoiselle Primrose riant. « Mettez notre couvert, mon ami, et tenez votre langue. Vous êtes comme Azéma qui parle comme une pie. » Rame se fâchant. « Moi pas pie, moi pas Azéma, moi Ramor Ramor, grand chef avec habit rouge plein d'or. » Mademoiselle Primrose partit encore d'un éclat de rire. Geneviève rit aussi, pour la première fois depuis sa maladie. Jacques, en la voyant rire, se laissa aller à un accès de gaieté. Rame, joignant les mains, s'écria en sautant et en pirouettant. « Petite maîtresse rire, petite maîtresse contente, Moussu Jacques, petite maîtresse rire, première fois bon Moussu Jacques, moi heureux, hurrah Moussu Jacques !» Geneviève riant toujours. « Tais-toi donc, mon bon Rame, tu vas faire monter les sergents de ville. » Et Geneviève continua son bon rire frais et gai. Rame. « Chère, chère jolie maîtresse, vous toujours rire, moi apporter bouillon de poulet. » Mademoiselle Primrose se pâmait. Rame sortit en courant et ne tarda pas à revenir, accompagnée de Pélagie, qui venait dire bonjour à Jacques. Elle lui demanda la permission de lui serrer la main, à quoi Jacques consentit avec son amabilité accoutumée. Le déjeuner s'était annoncé triste d'abord. Il fut gai et agréable à tous. Rame ne quittait pas des yeux sa maîtresse, qui mangeait de bon appétit, qui causait et qui souriait souvent. De temps en temps, Rame se frottait les mains, riait tout bas et marmottait. « Petite maîtresse bien mangée, petite maîtresse content, petite maîtresse rire, bon Moussu Jacques, Rame heureux. » Quand le déjeuner fut terminé, Mademoiselle Primrose arrangea Geneviève sur un canapé, lui dit de se reposer et emmena Jacques. Avant qu'il partît, Geneviève l'appela. « Jacques, lui dit-elle affectueusement, tu reviendras me voir avant de t'en aller. » Jacques. « Certainement, ma bonne chère Geneviève, je ne partirai pas sans t'avoir vue. » Et il sortit pour aller rejoindre Mademoiselle Primrose, qui attendait le moment de lui parler avec autant d'impatience que Jacques en éprouvait de l'entendre parler. La conversation dura plus d'une heure. Jacques, très ému, ne se lassait pas d'écouter et d'interroger. Quand il fut arrivé au jour qui précéda leur départ de plaisance, elle se leva, ouvrit une cassette dont elle portait toujours la clé sur elle, en tira une lettre et dit « Lis maintenant cette lettre, elle achèvera de te faire connaître la scélératesse de ce monstre. Geneviève ne sait pas que je l'ai lue, je l'ai gardée, ne lui en parle pas. » Jacques, déjà bouleversé du récit que lui avait fait Mademoiselle Primrose, lut cette lettre de Georges avec une indignation, une colère qu'il eut peine à maîtriser. Quand il l'eut fini, il la jeta par terre, la repoussa du pied, et, se jetant dans un fauteuil, la tête pressée dans ses deux mains, comme s'il eût craint qu'elle n'éclatât, il dit d'une voix étouffée. « Monstre, odieux scélérat! Ah, je n'ai pas de mots pour exprimer mon indignation, mon horreur !» Il resta longtemps immobile, étouffant sous le poids de son émotion. Et cette aimable, héroïque Geneviève, résistant aux instances de ce misérable que je n'ai plus le courage d'appeler mon oncle. Et elle a la force de se taire devant le silence ignominieux de cet être à cœur de tigre. Et cette lettre insultante, odieuse, elle la cache, elle la dissimule. Mon Dieu, donnez-moi la force de vaincre la violence de mes sentiments, que je n'oublie jamais cette parole du Seigneur sur la croix. Mon Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, mes chers et saints pères, soyez bénis, vous qui avez fait de moi un chrétien qui pardonne et qui prie. » Il cacha sa figure dans ses mains. Mademoiselle Primrose vit quelques larmes couler à travers ses doigts. Puis il se calma, essuya ses yeux et se leva. « Jamais, dit-il à Mademoiselle Primrose, je ne saurais assez vous exprimer ma reconnaissance de tout ce que vous avez fait pour elle. Vous avez été depuis 10 ans sa protectrice, sa mère. Que serait-elle devenue sans vous? Mon respect, ma reconnaissance, ma vive affection vous sont acquis tant que Dieu me laissera un souffle de vie. » Mademoiselle Primrose, touchée des sentiments que lui manifestait Jacques, y répondit très amicalement. Elle avait ramassé la lettre foulée aux pieds de Jacques et la remit soigneusement dans sa cachette. « Jacques, comment gardez-vous une pareille monstruosité, chère mademoiselle ?» Mademoiselle Primrose. « Mon ami, c'est une pièce très importante à conserver. Geneviève est encore sous la coupe du père jusqu'à 21 ans. On ne sait pas ce que peuvent inventer des êtres pareils. C'est la seule arme que nous ayons. Il faut la garder. Le bon Dieu l'a fait tomber dans mes mains. Geneviève ne s'en doute pas, heureusement. » Jacques lui baisa la main et sortit. Il entra dans le salon. Il vit Geneviève endormie sur le canapé. Il s'avança doucement près d'elle. Longtemps, il la regarda avec respect et admiration. Puis il s'approcha, prit une de ses mains restées étendues et la baisa tendrement. « Généreuse, admirable et bien chère amie, » dit-il à voix basse, « je t'ai toujours aimée et je t'aimerai toujours. Tu trouveras en moi, jusqu'au dernier jour de ma vie, un ami fidèle et dévoué. » Il replaça doucement la main de Geneviève sur le canapé et voulut sortir. Geneviève s'éveilla. « Geneviève, c'est toi, Jacques, comme tu es pâle. C'est ma cousine, n'est-ce pas, qui t'a ainsi troublé? Pauvre Jacques, c'est terrible, n'est-ce pas? Assieds-toi près de moi et causons. » Jacques. « Oh, Geneviève, ma Geneviève chérie, comme tu as souffert! Et quelle héroïque, admirable générosité tu as montré! Quel courage! Et ce scélérat, ce monstre qui se tait, qui entend son père te torturer par ses questions, osant accuser ton ami, ton plus dévoué serviteur, et il ne dit rien. Il vole, et il te laisse la lourde charge de le défendre par ton généreux silence. « Jacques, Jacques !» s'écria Geneviève effrayée. « Pourquoi penses-tu que ce soit lui? Qui te l'a dit ?» Jacques. « Mais, mon ami, tout le monde l'aurait deviné. Il faut être absurdement et sottement aveugle, comme son père, pour ne pas deviner que c'était lui. » Geneviève. « Jacques, ne le dis pas à mon oncle, promets-le-moi. » Jacques. Il suffit que tu le désires, ma Geneviève, pour que j'aie la bouche close là-dessus. Mais c'est cruel, cruel pour toi, cruel pour ceux qui t'aiment. » Jacques se leva. Il faut que je m'en aille, j'ai tant à faire pour moi, pour mon père. Geneviève. Avec qui es-tu ici? Où loges-tu? Jacques. Je suis seul à l'hôtel. Geneviève. Alors viens dîner avec nous. Jacques. Très volontiers si ça ne te fatigue pas. Geneviève. « Me fatiguer? Quelle folie! Au contraire, je me sens si bien quand tu es là !» Jacques sourit, lui serra la main et sortit.